Alors, formation dirigeant Lille. CPA. Tiens, c'est quoi ? Une formation diplômante dans un cadre vert partagé par des dirigeants et avec un retour sur investissement immédiat pour mon entreprise. C'est parfait, ça ! Allez, je télécharge la plaquette sur copimanagement.com. CPA, une formation CPI Management. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le putsch de Moscou. Le 19 août 1991, le monde entier découvre en direct à la télévision des images incroyables. À Moscou, capitale de l'Union soviétique, les chars de l'armée rouge envahissent la ville. Des soldats prennent position autour du Kremlin. Puis on apprend que le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, a disparu. À sa place, un groupe d'apparatchiks de la ligne dure du régime affirme avoir pris le pouvoir. Ainsi, pendant 3 jours, le monde entier retient son souffle, car on craint que le géant soviétique ne sombre dans le chaos, et avec lui, évidemment, pointe le risque d'une dissémination de son arsenal de défense nucléaire. De cet épisode tragique à l'issue incertaine, l'Union soviétique ne se relèvera pas. Et à la place de Gorbatchev, dont l'étoile a pâli au fil du temps et de réformes impossibles, un autre acteur triomphe sur la scène internationale, Boris Yeltsin, président de la jeune Fédération de Russie. Alors, quelles étaient les raisons de ce putsch d'août 1991? Comment se sont déroulées ces 3 journées de tension dans la capitale de l'URSS? Et enfin, comment est-on sorti de cette impasse politique sans effusion de sang? Notre invitée aujourd'hui, l'académicienne et historienne spécialiste de la Russie, Hélène Carrère-Dancos, russophone mais également russophile. Son dernier livre est intitulé « Le général de Gaulle et la Russie » paru au mois de novembre aux éditions Fayard. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dans la nuit du 10 au 11 mars 1985, les téléscripteurs des salles de rédaction se mettent à crépiter. Une dépêche de l'agence France Presse annonce qu'un nouveau dirigeant s'installe au Kremlin. Mikhail Gorbatchev, c'est son nom, endosse le costume de premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Sur les images d'archives diffusées à la télévision, on découvre le visage de cet homme de 54 ans. Il est jeune et souriant, son regard est communicatif et jovial. Enfin, et c'est là l'originalité du personnage, il n'a pas fait ses classes au sein du KGB, le service de renseignement de l'Union soviétique. Non, Gorbatchev est un ancien spécialiste des problèmes agricoles, devenu par la suite diplomate. Le 21 juin 1984, de retour de Géorgie, d'où il revenait de mission, il arrive en retard à une réunion entre le gouvernement soviétique et le président Mitterrand, visite à Moscou. Il entre, prend la parole et commence à critiquer l'état de son pays. Tout le monde est gêné. Alors, Tchernenko, dernier numéro 1 soviétique de l'ère glaciaire, le relance pour la forme ou histoire de se donner une contenance. Et là, Gorbatchev, inconnu en Europe occidentale à ce moment-là, répond sans se démonter, mais rien ne va, camarade. Malaise. François Mitterrand est impressionné et se dit, celui-là, il a de l'avenir. Arrivé au pouvoir 1 an plus tard, en effet, Gorbatchev suscite beaucoup d'espoir. Le nouveau numéro 1 soviétique symbolise une nouvelle génération de dirigeants communistes plus conciliants et plus ouverts en matière de politique internationale. Alors, s'interroge le journaliste Jean Daniel dans les colonnes du Nouvel Observateur, quelle sera la ligne idéologique du nouveau chef du Kremlin? Sera-t-il libre de ses mouvements? Ou doit-on craindre qu'il ne soit qu'une marionnette pour la gérontocratie du pouvoir? À Moscou, en l'espace de quelques mois, le nouveau premier secrétaire du Parti communiste imprime son style. Conscient de la paralysie du pouvoir central, Gorbatchev engage de profonds changements. Sous son impulsion, de nombreux réformateurs intègrent le parti. On tente de relancer une économie ruinée par des décennies de plans quinquennaux. On essaie de moderniser un régime gouvernemental vieillissant. Mais rien n'y fait. À chaque fois que Gorbatchev avance ses pions sur l'échiquier politique, l'arrière-garde des conservateurs du Parti communiste lui barre la route. Alors, le chef du Kremlin passe en force et il lance 2 grands programmes qui viennent bouleverser les habitudes à l'est du rideau de fer. Le premier, c'est la glasnost, une politique de transparence et de liberté de parole de grande ampleur. Le second, c'est la perestroïka, un ensemble de mesures économiques et sociales qui doivent remettre l'économie soviétique sur les rails. Mais c'est sur la scène internationale, 4 ans plus tard, au mois de novembre 1989, que Gorbatchev impose son idée de la modernité à toute l'arrière-garde vieillissante du Parti communiste. Face à la révolte populaire en RDA, le premier secrétaire du Parti communiste laisse aux Allemands de l'Est le choix d'écrire leur histoire. Conséquence, sous la pression de la rue, le mur de Berlin s'effondre. Les chars et les soldats de l'armée rouge n'interviennent pas. Ainsi en a décidé Gorbatchev. L'épisode marque la fin du glacis soviétique sur l'Europe. À Moscou, les conservateurs accusent le numéro 1 soviétique de trahison. Six mois plus tard, Gorbatchev signe avec le président américain George Bush un accord qui met fin à la guerre froide. Aux yeux de l'opinion internationale, Gorbi, comme le surnomme déjà la presse occidentale, passe pour le grand artisan de la paix. Il obtient d'ailleurs le prix Nobel. Et au début de l'année 91, son nom et sa photo font la une du magazine. Paradoxe, au même moment, en Union soviétique, la position du chef du Kremlin se trouve de plus en plus fragilisée. Car en vérité, sur le plan intérieur, sa politique de réforme est un échec. L'économie soviétique est en chute libre. D'ailleurs, était-elle réformable? L'industrie et l'agriculture sont à la déroute. Résultat, dans les rues de Moscou, la population n'arrive plus à se nourrir, à se vêtir, ni même à chauffer. L'opposition conservatrice tire alors à boulets rouges sur Gorbatchev et exige sa démission. Dans son propre camp, les critiques aussi sont très sévères. La situation est telle qu'au mois de juin 1991, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS, Édouard Chevardnadze, démissionne. Au micro de France Inter, l'ancien chef de la diplomatie soviétique s'explique. La situation de mon pays est grave. Il y a un état de crise. En fait, la production industrielle ne croît pas. Au contraire, ces derniers temps, nous avons constaté une réduction du rythme de la production industrielle fort important. Et tout cela, bien sûr, se reflète sur l'état social du pays. Et je ne cacherai pas le fait suivant. La population commence à avoir un sentiment de déception, d'alarme, de préoccupation. Et je pense que la société soviétique devra trouver des réserves supplémentaires pour sauver le pays, la perestroïka et la démocratie. Et si nous ne le faisons pas, je dirais que ce qui se passera est en fait imprévisible. En ce début d'été 1991, le régime politique soviétique est donc au bord du précipice. La population, contrainte aux privations, refuse de faire confiance à son chef. Quant aux politiciens conservateurs et autres apparatchiks staliniens, ils appellent, eux, à renverser Gorbatchev. Dimanche 18 août 1991. À Foros, sur les rives de la mer Noire, Mikhail Gorbatchev profite de quelques jours de congé dans sa résidence d'été. En milieu de journée, un convoi de véhicules se présente aux grilles de la villa. Les chauffeurs exhibent des cartes du KGB. De sa fenêtre, Gorbatchev observe la scène. Personne ne l'a prévenu de cette visite. D'en haut, il reconnaît les visages de ses visiteurs. Il s'agit d'émissaires de l'aile conservatrice du Parti communiste, de responsables de l'armée et du KGB. Contraint, le chef du Kremlin les reçoit à son bureau. Les 6 hommes s'installent, la discussion commence. Le premier à prendre la parole est un secrétaire du Parti communiste, Oleg Chénin. Il confie à Gorbatchev que le parti est au courant de son futur projet de réforme de traité de l'Union. Et il affirme qu'à Moscou, de nombreux responsables n'acceptent pas les conséquences d'une telle réforme politique. Depuis plusieurs semaines, en effet, face aux volontés indépendantistes de certains États, le chef du Kremlin a lancé une série de concertations secrètes. Sur cette base, il s'apprête à faire signer au chef de gouvernement des républiques satellites un nouveau traité. Dans les grandes lignes, ce texte prévoit un important transfert de pouvoir aux différentes républiques soviétiques. Tenu à l'écart des négociations, la vieille garde du Parti communiste et le KGB craignent le pire. Car il existe un risque réel de voir par la suite plusieurs États frères proclamer leur indépendance. Or, certains d'entre eux possèdent une partie de l'arsenal de défense nucléaire et des régiments de l'armée. Dans le bureau de Gorbatchev, au premier étage de la villa, les minutes passent et l'atmosphère se tend. Un représentant de l'armée interpelle le chef du Kremlin. « Monsieur le Premier secrétaire, il faut agir pour éviter que notre pays sombre dans le chaos. Avec une telle réforme, nous courons droit à la catastrophe. Alors je vous en conjure, proclamez l'état d'urgence. »« Je ne suis pas de votre avis, » rétorque Gorbatchev d'un ton sec. Oleg Chénine l'interrompt. Il sort de son cartable un document. Il s'agit d'un ordre de décret rédigé par le Parti communiste qui annule toute réforme du traité de l'Union. À ses côtés, le représentant du KGB lance « Mikhail Sergeyevitch, soit vous signez, soit vous démissionnez. Allez au diable !» leur hurle le numéro 1 soviétique. Faute d'accord, la discussion s'achève. Les six hommes remontent dans leur voiture et repartent en direction de l'aérodrome. Là-bas, un avion les attend pour les ramener à Moscou. Seul, assis à son bureau, Mikhail Gorbatchev est sous le choc. Il sait que le temps joue désormais contre lui. Alors, doit-il appeler le ministère de l'Intérieur pour qu'on place ses six apparatchiks sous les verrous? Doit-il avertir ses proches conseillers au Kremlin pour accélérer la signature du nouveau traité? Il n'a pas le temps de décider que l'alarme de la villa retentit. Gorbatchev racontera lui-même la scène des années plus tard. Soudain, un groupe est apparu dans le périmètre de la résidence. J'ai demandé, mais c'est quoi ce groupe? Je n'ai invité personne. Je prends un téléphone, un deuxième, un troisième, aucun ne marche. Je saisis le téléphone rouge, c'est la ligne directe avec les forces stratégiques. Même chose. Alors j'ai compris que la situation était très grave. Personne ne pouvait plus sortir. Dans les minutes qui suivent, on aperçoit la jumelle des navires de guerre fermer l'accès de la baie de Foros. Dans les airs, on entend le bruit inquiétant des hélicoptères de combat. Enfin au sol, un important contingent d'hommes se déploie et barre la route qui mène à la villa. Mikhail Gorbatchev, premier secrétaire du Parti communiste soviétique, est désormais isolé, prisonnier. Le lendemain matin, lundi 19 août 1991, Moscou, il est un peu plus de 7 heures. Le soleil se lève sur la capitale russe, sur l'avenue Koutsovsky, dans l'ouest de la ville. Un étonnant spectacle interpelle les passants. Au milieu des voitures et camions, on aperçoit de longs canons noirs et des tourelles métalliques. Ce sont bien les chars de l'armée rouge. Dans un nuage de fumée, les monstres d'acier de plus de 15 tonnes se fraient un passage dans la circulation. La scène est stupéfiante. Au total, près de 400 véhicules blindés entrent dans Moscou et occupent les principales artères de la ville. À plusieurs endroits, la foule incrédule se rassemble. Des femmes haranguent les militaires. « Mais que faites-vous ici? Que se passe-t-il » L'air incrédule, les jeunes soldats leur répondent « On nous a demandé de venir là pour maintenir l'ordre public. On ne sait pas trop pourquoi. Mais je sais que si on nous l'a demandé, c'est que c'est important. » Au même moment, la radio interrompt ses programmes. Un journaliste lit un communiqué. Le message est ensuite repris en français sur les ondes internationales de Radio Moscou. Chers auditeurs, le président Mikhail Gorbatchev, incapable d'assurer ses fonctions pour raison de santé, a été remplacé dans sa charge, suivant l'article 127 de la Constitution, par le vice-président Gennady Yanayev. Ceci est annoncé par un décret de M. Yanayev donné par l'agence TASS. Dans certaines régions de l'Union soviétique, l'état d'urgence est proclamé pour une durée de 6 mois. Le lac des Cygnes, ballet de Tchaïkovski, traditionnellement utilisé suite à la mort du premier secrétaire du parti, envahit alors les ondes. Et l'angoisse grimpe chez les moscovites. Aucune information sur l'état de Gorbatchev ne filtre. De son côté, le comité d'État pour l'état d'urgence affirme être prêt à tout pour empêcher un éclatement de l'Union des pays socialistes. Dans le monde entier, la nouvelle du coup d'État se répand comme une traînée de poudre. Et bien sûr, on craint le pire. À Paris, le président Mitterrand convoque en urgence une réunion de crise. À Washington, George Bush place en alerte les forces aériennes américaines. Dans les pays scandinaves, la tension monte aussi d'un cran. L'armée finlandaise, par exemple, boucle ses frontières avec l'Union soviétique et la marine suédoise déploie des navires de guerre dans la Baltique. Sur France Inter, l'ancien correspondant du journal Le Monde à Moscou, Bernard Guetta, fait part de son inquiétude. Pour lui, il ne fait aucun doute que ce coup d'État a été fomenté par la direction du KGB, le haut état-major de l'armée et un certain nombre d'apparatchiks. Leur objectif, poursuit le journaliste, c'est d'effectuer un retour en arrière politique et de réinstaurer un État totalitaire. Ces types nagent en plein délire, conclut notre confrère. Car les spécialistes en sont convaincus, les putschistes n'ont pas les moyens de leur ambition. Et le seul scénario qui se dessine est celui d'un chaos généralisé dans toute l'Union soviétique. Dans les rues de Moscou, ce lundi 19 août 1991, il est un peu plus de 9h du matin. La population apprend à vivre aux côtés des véhicules blindés et des hommes en uniforme. Présente sur place, la journaliste de RFI, Véronique Moreau, témoigne par téléphone dans le journal de Jean-Luc Hess, sur France Inter. Pour l'instant, la population est calme dans les rues de Moscou. La population est calme, mais les visages sont très fermés. Les gens s'expriment peu. J'ai vu cependant un groupe très agité aux abords des Nouvelles de Moscou. C'est un lieu habituel de rencontre où les soviétiques aiment à échanger leurs vues sur la vie politique, sur la vie quotidienne. Là, il y avait un petit peu d'effervescence. Une effervescence quand même contrôlée, puisque tout à côté se trouvaient des tanks et des véhicules blindés. Alors d'après un porte-parole de Boris Eltsin, Gorbatchev aurait été placé donc en état d'arrestation. Est-ce qu'on a des détails, est-ce qu'on a des nouvelles de l'ancien président ? Non, absolument aucune nouvelle pour l'instant du président Gorbatchev. On le sait, comme vous venez de le dire, simplement qu'il est placé en état d'arrestation et qu'il se trouverait actuellement dans une résidence surveillée. Au même moment, à quelques kilomètres de la place Rouge, dans une banlieue chic de la capitale soviétique, se tient une réunion de crise. Derrière les rideaux blancs d'une villa cossue, l'élite dirigeante russe écoute un homme de forte carrure et à la grande mèche blonde, un certain Boris Yeltsin. Dans la nuit, les putschistes l'ont appelé, lui, Yeltsin, en sa qualité de président de la Fédération de Russie. Ils lui ont proposé de prendre part à leur coup d'État. À 60 ans, l'ancien défenseur de la perestroïka dit non. Il refuse de se soumettre au KGB. Désormais, Yeltsin craint d'être arrêté. Dehors, en effet, de l'autre côté du mur d'enceinte de sa résidence, une cinquantaine d'hommes armés, membres d'une unité spéciale du KGB, le surveillent. Après avoir rédigé un appel aux citoyens de Russie pour dénoncer le putsch, Yeltsin établit sa stratégie. Jusque-là, Gorbatchev était son concurrent politique. Mais désormais, il doit en faire son allié pour prendre les putschistes à revers. Sur le conseil d'un proche conseiller, Yeltsin décide d'installer son quartier général à la Maison des Soviets, un grand palais de la capitale qui abrite d'ordinaire le siège du gouvernement de la Fédération de Russie. Dans les minutes qui suivent, un cortège de trois véhicules sans sirène ni gyrophare quitte la villa du président russe à vive allure. Dans la confusion, les hommes du KGB ne les arrêtent pas. Puis, les trois voitures se lancent dans une course folle pour rejoindre le centre de Moscou, évitant les grandes artères jugées surveillées par la police et les grands carrefours présumés occupés par l'armée. Un quart d'heure plus tard, le convoi d'Yeltsin franchit les grilles de la Maison des Soviets. Le président russe se précipite à l'intérieur du bâtiment. Mais à peine est-il arrivé à son bureau qu'un homme lui crie « Monsieur le Président, les chars sont sur le parvis !» Yeltsin regarde par la fenêtre et là, en effet, il aperçoit deux tanks qui pointent leurs canons dans sa direction. Le président russe entre alors dans une colère rouge. « Puisqu'ils sont là, je vais aller leur parler, lance-t-il. » L'un de ses conseillers tente de le retenir. « Non, Boris Nikolaevitch, et si c'était un piège? Et s'il y avait des snipers sur le toit ?» Mais Yeltsin ne veut rien entendre. Il descend dans le hall, Il sort sur le parvis, puis il marche en direction des tanks. Une fois à proximité, il se hisse sur l'un d'eux. La foule n'en croit pas ses yeux. Le président de la Fédération de Russie prend ensuite la parole d'un ton grave. Quelle que soit la raison de la destitution présidentielle, nous avons affaire à un coup d'État réactionnaire et anticonstitutionnel. De ce fait, nous déclarons illégal ce soi-disant comité. À défaut de galvaniser la foule, le discours d'Yeltsin produit un symbole fort. Les habitants de Moscou arrivent par milliers autour de la maison des soviets. Mais surtout, Yeltsin envoie un message clair aux putschistes. Lui, président élu de la Fédération de Russie, il ne les laissera pas faire. Dans les heures qui suivent, la maison des soviets se transforme en camp retranché. On descend les tables et des chaises dans le grand hall pour empêcher les soldats d'entrer. Dans le quartier, la population réquisitionne des camions et des bus pour bloquer les carrefours, les rues, les ponts. Le maire adjoint de Moscou apporte des matériaux de construction, des poutrelles métalliques, des sophages, enfin, des échafaudages, enfin tout ce qu'il faut pour ériger de solides barricades. À quelques centaines de mètres de là, le correspondant de France Inter, Ulysse Gosset, recueille le témoignage de Vladimir Federovski. Ancien diplomate en poste à Paris, l'homme affiche son soutien au mouvement de résistance. La dictature, ça peut durer deux jours. Ça peut durer deux semaines, peut-être. Ça peut durer deux ans. Mais l'avenir est avec nous. Ça, c'est certain. En attendant, pour l'instant, les tanks et les blindés sont là. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous-même être arrêté? Bien sûr. Mais vous savez, ça, c'est la règle de jeu. Le processus de la démocratie est irréversible. Nous pouvons être arrêtés demain, après-demain. Mais dans deux ans, les gens de chez nous, ou bien, enfin, les gens qui sont avec nous, seront de toute manière triomphants. Ce qu'on veut éviter, c'est l'effusion du sang et la perte du temps inutile. J'espère qu'on va gagner très vite. Parmi les autres personnalités qui se joignent au président de la Fédération de Russie, on trouve l'ancien ministre des Affaires étrangères du RSS, Edouard Chevardnadze, mais aussi le célèbre violoncelliste Miroslav Rostropovitch, l'homme qui jouait au pied du mur de Berlin 2 ans plus tôt. Alors que la nuit tombe sur Moscou ce lundi 19 août 1991, le couvre-feu entre en application. Dans les rues autour de la maison des soviets, des groupes de défense improvisés armés de Kalachnikov patrouillent. Au loin, résonne le bruit des moteurs des tanks. Et on craint à tout moment une intervention de l'armée. Témoins de la scène, les journalistes étrangers redoutent que tout cela ne se termine en bain de sang. après la réussite du putsch constitutionnel, l'épreuve de force est désormais engagée directement entre Boris Yeltsin et les auteurs du coup d'État qui a entraîné la mise à l'écart de Mikhail Gorbatchev. Le président de la Russie, la plus grande république du RSS, a en effet appelé à la grève générale pour aujourd'hui. Il espère ainsi faire céder les membres du comité pour l'état d'urgence qui a pris le pouvoir. Grève dans les mines, grève dans les ministères et les entreprises, contre ce que Yeltsin appelle un crime contre l'État. Mais les Russes vont-ils se mobiliser massivement? C'est la grande question. Hier en tout cas, juché sur un char entouré par des manifestants, le président Yeltsin a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile en demandant aux soldats et aux agents du KGB, les services de sécurité, de refuser d'appliquer les ordres des putschistes. Des dizaines de milliers de moscovites ont bravé l'état d'urgence et sont descendus dans les rues de Moscou pour soutenir et protéger physiquement Yeltsin. Mais les conservateurs, eux aussi, se disent déterminés à faire respecter l'ordre et ils ont l'armée, la milice et le KGB derrière eux. Moscou, Ulysse Gosset, France Inter. Mardi 20 août 1991, Moscou se réveille après une nuit agitée. Malgré l'état d'urgence, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre le putsch du comité d'État. Au centre de la ville, le silence règne dans les couloirs du Kremlin. Les intentions des putschistes restent floues. De son côté, Gennady Yanayev, l'homme propulsé à la tête du comité d'État, semble hésiter. Lui et les conservateurs ont joué d'emblée la carte de la force. Mais dans quel but? Désormais, avec Yeltsin en face d'eux, que doivent-ils faire? Les chars d'assaut doivent-ils servir à protéger les institutions ou bien doivent-ils s'attaquer à l'opposition? Derrière lui, dans l'ombre des cabinets du pouvoir, l'omniprésent chef du KGB, Kryuchov, manœuvre certains responsables de l'armée et du ministère de l'Intérieur. Son objectif, envoyer davantage de troupes dans la capitale moscovite. Car les putschistes en sont convaincus, c'est par la peur qu'ils feront rentrer la population chez elles. Au même moment, dans les rues de la ville, la population, justement, apporte de la soupe et du pain aux soldats et aux équipages de blindés. Certains tentent de les convaincre d'arrêter leur opération et de baisser les armes. Soudain, un homme d'une cinquantaine d'années se met à crier « Nous sommes tous russes ici, nous sommes tous russes et personne ne peut nous obliger à nous faire la guerre. Il faut arrêter cette mascarade. » Les militaires, pour la plupart de très jeunes appelés, sont déboussolés. Voilà plus de 24 heures qu'ils n'ont reçu aucun ordre clair, aucune consigne d'engagement précise. Alors, parmi eux, le doute s'installe. D'ailleurs, et on ne l'apprendra que bien plus tard, mais dans la précipitation, la plupart des tanks sont partis des casernes sans emporter d'obus. Mais oui. De son côté, Yeltsin prépare sa contre-offensive. Misant sur l'indécision des putschistes et l'hésitation des militaires, il s'arroge les prérogatives du gouvernement central. Il décrète que les forces armées d'Union soviétique présentes dans Moscou passent sous le contrôle du gouvernement de la Fédération de Russie. Autrement dit, sous son contrôle. Quelques minutes plus tard, l'un de ses conseillers relaie cet ordre sur les ondes radio. Message à toutes les forces armées soviétiques et du KGB se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie. Jusqu'à nouvel ordre, toutes les unités doivent rester dans leur cantonnement. Les unités déployées doivent rejoindre leur cantonnement. Dans l'après-midi, la population se rassemble, toujours plus nombreuse, autour de la maison des soviets. Yeltsin harangue la foule et la conjure de se battre pour regagner sa liberté. On installe ici et là de nouvelles barricades. Un peu plus loin, certaines grandes artères de la ville, d'ordinaire bondées, sont désertes. Les véhicules blindés, eux, restent à l'écart. Pour les journalistes étrangers, la scène rappelle ce qui s'est passé des années plus tôt, à Prague, à Budapest ou encore à Varsovie, à la différence que cette fois, l'armée rouge joue à domicile en plein cœur de Moscou. Et ça, c'est une autre histoire. Au soir du mardi 20 août, l'ambiance dans certains quartiers de la capitale soviétique est par endroits électrique. Les moscovites défient une nouvelle fois le couvre-feu. Ils sortent de chez eux et se préparent au combat. On récupère des armes et des grenades. Certaines personnes s'installent derrière les barricades. D'autres préparent des cocktails Molotov. Devant la maison des soviets, le peuple de Russie se rassemble et scande le nom « Rossiya », comprenez « Russie ». Selon les estimations, plus des trois quarts de la population de Moscou désapprouve le coup d'État et soutient le mouvement de résistance d'Yeltsin. Au micro d'Ulysse Gosset de France Inter, un habitant témoigne. On voit tous les états d'esprit. Il y a des gens gens qui vraiment qui veulent se battre, qui veulent défendre. Il y a des autres qui sont absolument passifs, qui n'ont pas aucun intérêt à tout ce que se passe. Il y a d'autres même qui ont dit ah c'est bien que les chars sont venus parce que bon il faut finir ce bordel là et tout voilà. Mais dans certains quartiers de Moscou, on a l'impression que rien ne s'est passé, que le calme règne, la vie continue comme d'habitude. Et dans d'autres endroits, notamment près du Kremlin, on frôle l'incident et la confrontation. Ah ben c'est ça, c'est exactement ce que frappe, parce que dans certains quartiers de Moscou, on sent vraiment la vie paisible. Et on n'a pas aucune impression que nous, aujourd'hui, c'est le premier jour de la guerre civile. À minuit, les radiopirates alertent les groupes de résistants. Une trentaine de chars auraient été aperçus à l'ouest de la capitale. Et ils font désormais route vers la maison des soviets. Les équipages à leur bord auraient reçu l'ordre de briser les barricades et de disperser la foule. Alors, la panique s'empare des manifestants. Quelques minutes plus tard, on entend en effet le bruit des moteurs des blindés. Ils se rapprochent à grande vitesse. Plusieurs d'entre eux foncent et percutent des autobus. Des résistants répliquent en leur envoyant des cocktails Molotov, d'autres leur lancent des pierres. Dans la confusion, l'un des tanks tente une manœuvre d'évitement et écrase accidentellement trois jeunes manifestants. À ce moment-là, on craint que la situation ne bascule en guerre civile. Et il faut tout le sang-froid de certains gradés pour que la situation ne vire pas au carnage. En vérité, l'armée n'obéit plus à personne. Les tanks sont livrés eux-mêmes dans les rues de la capitale russe. D'ailleurs, certains se perdent. D'autres se retrouvent encerclés par une foule qui gronde. Au Kremlin, les putschistes prennent conscience qu'ils ont mis le pied dans un engrenage infernal. Car si la tension grimpe encore, si les militaires sont de nouveau pris à partie, l'armée russe devra alors tirer sur sa propre population. Au sein du comité pour l'état d'urgence, Yanaïev et ses comparses refusent d'en arriver là. Vers 4h du matin, ils doivent se résoudre à donner l'ordre à tous les véhicules blindés de mettre un terme aux affrontements et d'évacuer la capitale soviétique. Mercredi 21 août. En fin de matinée, on apprend que l'état d'urgence est aboli. Personne ne sait qui a donné l'ordre, mais les troupes militaires quittent Moscou. À la maison des soviets, Boris Yeltsin vient de gagner son bras de fer avec les putschistes. Après trois jours d'affrontement, la junte est défaite. Mais le président de la Fédération de Russie n'a pas le temps de savourer cette victoire, qu'il reçoit un étrange coup de téléphone. À l'autre bout du fil, un certain Vladimir Kriouchkov, le chef du KGB et l'homme de l'ombre du comité pour l'état d'urgence. D'un ton flegmatique, le patron du service de le renseignement du RSS lui propose ses services pour, dit-il, pacifier la situation à Moscou et aller récupérer Mikhail Gorbatchev dans sa résidence de la Mer Noire. Dans le langage des espions, on appelle ça « retourner sa veste ». Dans l'après-midi, face au Parlement russe, Yeltsin condamne le coup d'État et annonce qu'il prend le commandement immédiat des forces armées stationnées en Russie. La maison des soviets devient le bâtiment symbole de l'opposition putschiste. Dans les rues de Moscou, les scènes de joie se succèdent. Comme ici, place de la Loubianka, à quelques centaines de mètres du Kremlin, face au siège du KGB, des centaines de manifestants déboulonnent la statue de Félix Dzerzhinsky, fondateur de la police politique en URSS. Xenia, une jeune manifestante, crie sa joie au micro du Bisgossé. France Inter. Je suis avec mon peuple, je suis avec mon chef d'État, avec Yeltsin, avec notre député de Soviet suprême, de l'Union soviétique. Nous sommes ensemble parce que maintenant c'est le jour d'histoire de notre patrie et aujourd'hui ce sera le fait, vraiment le fait pour tout le peuple. Et vous pensez qu'après la place Dzerzhinsky, on va enlever d'autres statues? Est-ce qu'on va enlever les statues de Lénine aussi? Ah oui, je pense que les monuments de Lénine, de Sverdlov, de Dzerzhinsky, de Karl Marx vont disparaître, oui. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr de cette chose. Après trois jours de captivité éprouvante, Gorbatchev rentre à Moscou. Ironie de l'histoire, c'est Boris Yeltsin, son adversaire de toujours, qui vient de lui rendre la liberté. Humilié, décrédibilisé, le numéro un soviétique assiste alors à l'irrésistible ascension du président de la Fédération de Russie. À l'exception de Kryuchkov, le chef du KGB, tous les membres du comité d'État à l'origine du putsch sont arrêtés. Deux d'entre eux se suicident. Le 23 août, devant le Parlement de Russie, Eltsine le crucifie en l'incriminant pour sa passivité durant le coup d'État. Dans la foulée, Gorbatchev démissionne de son poste de premier secrétaire du Parti communiste et dissout le comité central. L'URSS n'est plus alors qu'un corps sans tête. 15 républiques proclament dans la foulée leur indépendance, dont les États baltes et la Fédération de Russie. Au Kremlin, Gorbatchev est désormais le président sans pouvoir d'un pays qui n'existe plus. Un pays qu'il s'était pourtant si évertué à réformer pour le sauver. Et puis si tant de vies ont été épargnées lors des soulèvements de 89 dans les pays de l'Est, c'est grâce à lui, parce qu'il a tenu à ce qu'on ne tire pas sur les peuples en quête de liberté. Et voilà qu'il se fait damer le pion par un opportuniste qui, de surcroît, vendra son pays à la découpe. 4 mois plus tard, le 25 décembre 1991, en direct à la télé, Mikhail Gorbatchev est contraint de prononcer l'oraison funèbre de l'URSS qu'il voulait garder en vie, mais avec un autre visage. Une injustice criante, un drame politique et humain. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tentative de putsch contre Mikhail Gorbatchev en août 1991 avec notre invitée Hélène Carrère-Dancause. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, académicienne et historienne spécialiste de la Russie. Bien sûr, vous venez d'écrire un livre, donc le dernier, Le Général de Gaulle et la Russie, paru le mois dernier aux éditions Fayard. On en parlera, la Russie, puis le Général de Gaulle. Donc il y a un angle sur lequel on reviendra à la fin de cette interview. Mais penchons-nous tout d'abord sur l'histoire d'aujourd'hui, celle que nous avons racontée, ce putsch contre Mikhail Gorbatchev. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire un putsch ou une tentative de putsch, là, pour le coup. Vous diriez oui, quoi, hein? C'est une tentative. Enfin, c'était des guignols qui ont fait le putsch. C'est ça la vérité. Très curieusement, je peux vous dire que quand on regarde vraiment la presse de l'époque et les réactions, il est clair, tout le monde se dit c'est un putsch. Et en effet, c'est une tentative de putsch, mais c'était les pieds nickelés, les types qui avaient fait ça. C'est ça. Et on serait presque tenté d'en sourire aujourd'hui, mais je crois qu'à l'époque des faits, ça a fait sourire personne. Ah, c'était terrifiant. C'était terrifiant parce qu'on avait l'impression que ça pouvait ramener l'Union. On était encore en Union soviétique, il faut le rappeler. C'était il y a 25 ans, l'Union soviétique existait encore. Elle évoluait depuis 1985, depuis que Mikhail Gorbatchev était arrivé au pouvoir. Mais depuis le début de l'année 91, pour dire la vérité, il y avait un raidissement qui avait conduit Mikhail Gorbatchev à rappeler je dirais, des hommes qui étaient les adversaires de sa politique d'ouverture. Les conservateurs. Les conservateurs, exactement. Il pouvait pas faire autrement. Il s'était un peu enfermé. Et il misait, pour se sortir d'affaires, sur le sauvetage de l'Empire soviétique. Car c'est ça le fond du problème. Tout le système soviétique tombait en morceaux, et notamment, c'est un État multiethnique, l'Union soviétique en est morte, et toutes les républiques, depuis, je dirais, pratiquement le début de l'époque Gorbatchev, commençaient, elles aussi, à penser qu'on pouvait changer. Mmh. Et changer, pour elles, ça signifiait pas seulement modifier le système politique intérieur, mais pour certaines, ça signifiait l'indépendance. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble soviétique qui craquait. Et surtout l'été 91 était devenu un été extrêmement agité, d'abord pour une raison, si je peux le rappeler ici, c'est qu'au fond, autour de quoi s'est construite l'Union soviétique? Autour de la Russie, qui était le cœur du système, la république principale. C'était la métropole, si j'ose dire, de cet ensemble hétérogène. Et il se trouve que la Russie va non pas faire sécession, mais va prendre sa place, une place particulière, et au fond dénoncer le système, en juin, le 12 juin 1991, qui est une date historique fantastique, qui a beaucoup échappé aux observateurs extérieurs, où Boris Eltsine, qui apparaît comme l'adversaire de Gorbatchev, c'est un homme que Gorbatchev avait appelé au pouvoir avec ses côtés, en 1985. En 87, ça a été la rupture entre les deux hommes, et Boris Eltsine, qui était au fond le patron des Russes, d'une certaine façon, tandis que Gorbatchev était le patron de l'URSS. Un vrai État dans l'État, pour le coup. Un vrai État dans l'État. Mais qui n'avait, comme c'était, je dirais, l'État fédérateur, personne n'imaginait que cet État fédérateur pouvait s'élever au-dessus de la fédération. Et Boris Eltsine, le 12 juin 1991, est élu président de la République de Russie. Il n'y avait pas de présidence de Russie jusqu'alors, évidemment, puisque c'était l'État fédérateur. La Russie ne possédait pas ses symboles d'une autonomie dans le système. Gorbatchev avait été très hostile à cette réforme que les Russes avaient voulu, qui leur permettait d'avoir un président, c'est-à-dire que c'était une défaite pour lui. Ouais. Et l'élection de Boris Eltsine a été une défaite extraordinaire pour Gorbatchev. D'ailleurs, c'est intéressant, ce fil de l'histoire sur un temps très court. Hein. On voit bien que le grand bénéficiaire de cette affaire-là, c'est Boris Eltsine, qui est assez opportuniste aussi pour être le grand bénéficiaire. Il se dit, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, que et Gorbatchev et Eltsine savaient tous les deux depuis le mois d'août qu'il y a des choses qui se tramaient et que chacun a pensé qu'il pouvait tirer les marrons du feu, ce qui a marché pour l'un, ce qui n'a pas marché pour l'autre. Oui, alors je vais vous dire, c'est un... D'abord, je voudrais juste ajouter un mot oui. pour situer le paysage pour les auditeurs. C'est-à-dire qu'au soir du 12 juin 1991, le drapeau russe est monté au sommet du Kremlin. Il y avait le drapeau soviétique et le drapeau russe. C'est-à-dire qu'on ne savait plus où on était. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est une révolution formidable. Alors, c'est vrai que Gorbatchev avait peur d'un coup de force, mais comme il préparait, parce que il fallait recomposer le paysage soviétique. Mmh. Il préparait le traité de l'Union en essayant de réconcilier les républiques et il avait plus ou moins réussi à fabriquer un texte qui allait être soumis, il avait eu la signature de tous les présidents des républiques soviétiques et la signature du texte était prévue à la fin du mois d'août. Donc il s'est réconforté, il s'est dit je vais reconstruire mon autorité sur le fait que malgré tout, on reconstruit l'Union soviétique, on sauve l'Union soviétique. Et je voudrais tout de même souligner ici que Gorbatchev a toujours dit, c'était un grand réformateur, mais il a toujours dit, un, je suis un vrai communiste, je ne veux pas tuer le système, et deux, je suis soviétique, je ne veux pas tuer l'Union soviétique, je veux la sauver. Alors, pardon de vous couper, j'ai plein de choses à vous demander, le temps n'est pas si long, le temps qu'il nous a imparti. On voit bien que le verre était dans le fruit. Alors, vous l'avez vu avant, dans l'Empire éclaté, 20 ans avant, vous avez dit ça va éclater cette chose-là. Bon, ça, c'était visionnaire, bravo. Mais est-ce que cette affaire du putsch, elle a précipité la chute de l'Union soviétique? Incontestablement. Et c'est, vous avez dit tout à l'heure très justement que les deux hommes au sommet sentaient quelque chose. Mmh. Mais Gorbatchev s'est rassuré. Il s'est dit, au fond, je vais être le patron de toute l'Union soviétique, véritablement, et je vais sauver le système. C'est-à-dire qu'à l'été 1991, après avoir connu des moments difficiles, il va partir en vacances en se disant, ça va aller. Boris Eltsine, qui était, je dirais, plus pragmatique, avait, avec son chef militaire, le général Kobetz, ils avaient mis sur pied un véritable plan anti-putsch, un véritable plan contre tout événement. Mmh. Et c'est ce qui les a sauvés, c'est ce qui leur a permis de réagir. Et ils l'avaient d'autant plus fait que, quelques jours avant le putsch, des troupes soviétiques sont venues entourer les bâtiments du Soviet suprême. Il y avait une réunion tout simplement de députés, et le prétexte a été qu'on ne sait jamais. Les députés peuvent être menacés. Ça a montré à Eltsine et au général Kobetz qu'on pouvait faire entrer des troupes n'importe comment. Donc, si vous voulez, ils étaient mobilisés. Alors, voilà. Je voudrais juste faire un détour, si vous voulez, par la France. Moi, je me souviens que, quand le putsch arrive, la déclaration de François Mitterrand, qui dit, ben voilà, on va discuter avec les nouveaux dirigeants de l'URSS, qui avait choqué. Alors, on va écouter François Mitterrand, qui, le lendemain, s'exprime, il essaie de rectifier le tir, mais alors, qu'est-ce que c'est dur? C'est un changement à contre-courant. Songez que cela fait bientôt 6 ans, en tout cas 5 ans de perestroïka, que les soviétiques, que tous les peuples de l'Union soviétique, et particulièrement les Russes, sont habitués à un début de démocratie. Ils parlent, ils discutent, ils vont dans la rue, ils peuvent s'exprimer dans la presse. On a entendu beaucoup de personnalités importantes du domaine religieux, politique, scientifique, littéraire, dans tous les domaines, exprimer absolument tout le diapason, tout de ce que l'on peut penser aujourd'hui sur l'évolution du monde. On ne peut pas revenir en arrière, si, on peut mettre des grands arrêts. Mais tout ça saute. Moi, je crois que le changement intervenu brutalement en Union soviétique peut interrompre, mais je ne pense pas qu'il puisse arrêter le mouvement de démocratisation. Donc, dans ce cas-là, il aurait échoué. Hélène Carrère-Bancos, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous renvoie des souvenirs très précis. Ça me renvoie un souvenir. D'abord, je vais vous dire. Le président Mitterrand, à qui on a dit les choses, il a eu un certain nombre de gens qui sont venus le voir. Moi, je l'ai appelé, j'étais au bord de la mer, je l'ai appelé pour lui expliquer ce qui se passait, pour dire, là, il y a un homme qui tient la situation, c'est Eltsine, qui est revenu de sa campagne, qui est à la Maison Blanche, et qui est aujourd'hui le symbole de la résistance. Alors, c'est lui qu'il faut soutenir. Bon, clairement, quelqu'un est passé, d'autres que moi lui ont dit, quelqu'un lui a dit, non, c'est Eltsine, c'est pas grand-chose. En plus, le président Mitterrand n'aimait pas Eltsine. Ouais. Il aimait Gorbatchev, si vous voulez. Dans sa tête, c'est ça qui était aussi assez compliqué. Mais dès le lendemain, quand la situation s'est clarifiée, il a compris qu'il fallait donner un coup de main, enfin, reconnaître qu'après tout, c'était pas si simple. Alors, très rapidement, si tant est que ce soit possible, c'est infernal, je vais vous poser une question à laquelle vous auriez envie de répondre longuement, évidemment, mais est-ce que l'histoire va rendre l'hommage à Gorbatchev, l'hommage qu'il mérite? Parce que, sans lui, bien sûr que Ronald Reagan a gagné la guerre froide, bien sûr que Jean-Paul II il a été influent, enfin c'est quand même Gorbatchev, sans lui rien n'aurait été possible. Je réponds à votre question, il faut que l'histoire lui rende justice, c'est un homme extraordinaire, avec lequel on a été très injuste, parce que, d'une part, on est tombé dans une gorbimania, on ne comprenait pas le jeu politique, et puis le jour où il a été perdu, fini, on a laissé tomber Gorbatchev. Il a fait 1,5% des élections plus tard. Absolument. Enfin, c'est pas possible. Non, mais ça a été... Alors, il est impopulaire dans son pays parce que les Russes et les Soviétiques l'accusent au fond tantôt d'avoir laissé tomber l'Empire. Les nostalgiques du communisme, il y en a, les gens âgés, l'accusent d'avoir tué le système. Il n'est pas très populaire à l'étranger parce qu'au fond, on l'a oublié. Et alors, en plus, alors je voudrais dire quelque chose qui est dramatique. Gorbatchev, c'est tout de même l'homme qui, généreusement, a accepté la réunification de l'Allemagne. Oui. Et il l'a accepté en faisant promettre à Kohl, qui est venu lui demander, aux envoyés du président des États-Unis, qu'en échange de cette acceptation, l'OTAN n'avancerait pas vers les frontières de son pays. Et moi, je vais poser la question à Gorbatchev. Je lui ai dit, écoutez, comment est-ce que vous n'avez pas fait acter par écrit la promesse qu'ils ont eue? Et il m'a répondu cette chose terrible, parce qu'il est très amer. Il m'a dit, j'ai cru que nous étions entre gens bien élevés. Mais oui, mais on peut le comprendre. Mais je vous donne la réponse, vous voyez. D'accord. C'est pour ça que c'est un homme à qui l'histoire doit rendre justice. Moi, je me suis efforcé dans le livre que j'ai écrit sur la fin de l'Union soviétique de le faire. Ouais. Et je continuerai à plaider pour cela. Deux dernières choses, rapidement aussi. C'est quoi les desseins de Poutine? Qu'est-ce qu'il veut? Pour son pays et peut-être pour lui-même? Non, je vais vous dire. Poutine est arrivé au pouvoir dans un pays qui avait connu 10 années d'un chaos effroyable, parce que sortir de 75 ans de communisme, personne n'a c'est une entreprise incroyable, absolument. Et en sortir pacifiquement, sans se couper la gorge. Bon. ça a donné un chaos inimaginable. Et un chaos inimaginable qui était probablement, je dirais, d'une certaine façon, il y avait une justification, c'était la théorie d'Eltsine et de Gaïdar, c'est-à-dire qu'il fallait surtout couper tous les systèmes d'autorité pour que les communistes ne puissent plus glisser dedans. Bon, ils ont eu raison ou tort, mais le résultat, c'est 10 ans qui ont mis ce pays dans un état de folie. Poutine arrive là-dessus. Le pays est, je dirais, dans le chaos. Vendu à la découpe, à des oligarques. Absolument, à moitié ruiné, et de surcroît, internationalement, tout le monde s'assoit dessus. Ça, c'est la vérité. Personne, n'oubliez pas qu'il arrive juste après qu'on n'a pas appelé le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander si on peut bombarder la Serbie, parce que pour montrer que la Russie, la seule chose qu'elle avait, elle était membre du Conseil de sécurité, qu'elle comptait pour du beurre. Ouais. Alors, ça explique Poutine, si vous voulez. Et il est arrivé dans un climat, il avait le choix de rien faire, je dirais, laisser tout simplement profiter de son mandat. Il a voulu reconstruire, rendre une place à son pays. Et bon, je dirais, c'est un homme du système soviétique. Hein, c'est tout de même. Il a été élevé dans le système. Il avait. Qu'est-ce qu'il veut ? Il voudrait que la Russie retrouve la puissance de l'URSS sans le communisme ? Sans communisme, ça, il n'a aucune espèce de nostalgie communiste. Même s'il a été élevé dans le système, il veut qu'elle appartienne. Je dirais, qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire une grande puissance. Il sait que c'est pas un super grand, mais il sait qu'elle doit être respectée. Pardon de vous bousculer, Hélène Carrère, dans cause. J'ai bien conscience que je vous bouscule, mais... Non, mais vous le faites très bien. Merci. Toute dernière chose, le livre que vous venez de publier, Le Général de Gaulle et la Russie. Je crois que c'est le Général de Gaulle ne disait pas les Soviétiques, il disait les Russes, c'est jamais, ça il ne disait jamais. Hein, c'est pour ça que sur la couverture, il y a les églises du Kremlin et pas de drapeau rouge, ni rien de semblable. En deux mots, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire avec ce livre? J'ai voulu dire que le Général de Gaulle, d'abord c'est le seul chef d'État au monde qui ait connu tous les responsables soviétiques, et traité avec eux, sauf Lénine et sauf Gorbatchev. Ouais. Mais je veux dire, l'histoire soviétique, la longue, depuis Staline jusqu'à Brejnev, jusqu'à Gorbatchev, le général de Gaulle y a participé. Et il a su comment faire avec l'Union soviétique, il a su en tirer. L'idée du général de Gaulle, c'était très simple, les rapports avec la Russie, pas l'Union soviétique, en 1940, en 1960 quand Khrushchev est venu, en 1966 quand il est allé, les rapports avec la Russie, c'est d'abord au service de la France. La France doit avoir sa place dedans. Ça a été ça, sa politique. Alors, cela dit, ce que j'ai voulu dire, c'est que le général de Gaulle a été... D'abord, il était fantastique, parce que il a tout de même su, cet homme qui ne représentait rien en 1944, hein, la France vaincue. Bien sûr. C'est grâce, je dirais, au jeu qu'il a mené, que nous nous trouvons membres permanents du Conseil de sécurité. C'est parce qu'il a su jouer entre les grands, et il a su qu'il fallait servir de la Russie. Cet homme connaissait l'histoire. Il savait que la Russie pouvait être un appui dans un cas comme ça. Deuxièmement, après, en 1966, c'est un homme qui a compris qu'il s'est réconcilié avec l'Allemagne, alors qu'il détestait l'Allemagne jusque-là, qui s'est servi de la Russie contre l'Allemagne. Il s'est réconcilié avec l'Allemagne et il a compris une chose, c'est qu'en faisant une politique qu'il a été le premier à le faire, la politique du soft power, la politique d'influence, la politique de la détente, eh bien, il permettrait d'élargir l'étau soviétique, notamment sur les pays de l'Europe de l'Est. Et il a contribué, d'une certaine façon, il a ouvert la voie à Gorbatchev. Bien, donc, allez. Et j'ajouterais qu'il a reconnu la Chine bien avant que les autres États la reconnaissent. C'est-à-dire qu'il a vu aussi le monde tel qu'il était. C'était un visionnaire. À lire donc, le général de Gaulle et la Russie, Hélène Carrère d'Encausse. Chef Fayard, merci infiniment, madame. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le crépuscule de Gorbatchev, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Gilles Gaillard et Clément Vuillet qui étaient à la technique aujourd'hui.